الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. chapitre numéro 39 concernant celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah. La parole d'Allah le Très-Haut, cependant qu'il ne croit pas au tout miséricordieux. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. لما كان التوحيد ينقسم على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، نعم، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأن الإيمان لا يتحقق ولا يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاثة، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذا النوع: توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وذكر حكم من جحده. ثانيا، توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته من براهين توحيد الله في ألوهيته سبحانه وتعالى. الأوتار رحمه الله تعالى a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en trois. Il y a trois choses dans lesquelles nous devons d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier point, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie. Le deuxième point, dans l'adoration. Et le troisième point, dans ses noms et attributs. Alors ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, attire notre attention, sur le troisième point, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Car la foi de la personne ne sera pas authentique et son tawhid ne sera pas accepté chez Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il n'aura pas foi au nom et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici l'auteur va nous montrer le jugement de celui qui renie un nom ou un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quel est le jugement de celui qui renie les noms ou les attributs d'Allah? C'est de la mécréance, du kufr akbar wal iyadu billah. Aussi il a cité ce chapitre car parmi les preuves de l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire le fait qu'il soit le seul à être digne d'être adoré, le seul à mériter l'ensemble des adorations, parmi ses preuves, il y a le fait qu'il soit unique dans ses noms et ses attributs. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla, la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et ses attributs, est une chose qui nous montre qu'il est le seul à mériter l'adoration. Sinon, on a su à travers les cours passés que l'auteur a centré son enseignement dans ce livre sur Tawhid al-Uluhiyya. Mais il n'a pas oublié de parler de ce grand point, les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et la croyance de Ahl Sunnah. Il y a donc ce chapitre qui concerne le jugement de celui qui renie un nom et un attribut. Plus loin, il y aura un chapitre: Walillahi al-Asma al-Husna fad'uhu biha Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Et à la fin du livre, « وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدِرِهِ » Naam. Donc, « بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ » Le chapitre concernant celui qui renie un des noms ou des attributs. C'est-à-dire, quelle est la gravité de son action et quel est le jugement de son action. C'est du kufr. Akbar, a'adana Allah wa iyyakum. Et pourquoi est-ce que l'auteur n'a pas plus développé ce point dans son livre Kitab al-Tawhid? Ce point qui a la plus grande importance, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. La raison est qu'avant lui, beaucoup avaient écrit dans le domaine. La raison est que beaucoup avant lui avaient écrit dans le domaine. Deuxièmement, le plus grand problème qu'il y avait à son époque était dans Tawhid al-Uluhiyya. Donc, il a parlé de ce qui a été le plus nécessaire pour corriger la situation qu'il vivait lui ou qu'il a trouvé à son époque. L'étude des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que c'est la science la plus noble. Car celui qui étudie les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala parle d'Allah al-Azim. Et plus la chose étudiée est noble, plus cette science prend de la noblesse. Plus la chose étudiée est grande, plus cette science prend de la grandeur. Et il n'y a pas akbar min Allah, ni a'zam min Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus grand et plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons été créés pour cela, connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ard mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah, celui qui a créé les sept cieux et nombre de terres semblables, c'est-à-dire cette terre, l'ordre se succède entre les deux, afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'il a embrassé de toute chose de sa science. Et qu'il a embrassé de sa science toute chose. Donc cette science a une grande importance. Et bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, on espère en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous facilite du temps pour pouvoir prendre un cours sur l'étude des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et certaines règles s'y rapportant. Allah dans le Coran s'est décrit à ses serviteurs, s'est fait connaître à ses serviteurs en citant ses noms, ses attributs, ses actions. Et cela représente un tiers des sujets du Coran. C'est pour cela que Surat al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Aman ankara sifatan lillahi azza wa jal thabita ou isman lah faqad kadhaba kalam Allah ou rasulah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha kufrun billahi al-azim bila shak. Kama qala Nu'aym ibn Muhammad وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. Celui qui renie et rejette ou mécroit à un nom d'Allah Azza wa Jalla, c'est dans le Coran ou dans la Sunna authentique, ou qui rejette un attribut affirmé dans le Coran ou dans la Sunna authentique, sera tombé dans la mécréance, car il aura démenti le véridique Allah tabaraka wa ta'ala, celui dont l'ensemble de ses paroles ne sont que vérité. Il aura démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon ses passions. Ça n'est qu'une révélation inspirée. C'est pour ça que Nu'aym ibn Hammad, qui est le shir de l'imam al-Bukhari, nous dit, celui qui fait ressembler Allah à ses créatures aura certes mécru. Et celui qui renie ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, à lui-même, aura également mécru. Il n'y a pas dans ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même de ressemblance avec ses créatures, de similitude ou d'anthropomorphisme, na'am, avec ses créatures. Et ce athar est sahih. L'imam al-Zahabi l'a cité dans son livre Al-Ulum. Et sachez que cette action fait partie des actions des koufars et des hypocrites et des mouchirikoun. Les koufars et des mouchirikoun, c'est eux qui rejettent ce qu'Allah Azza wa Jal affirme dans le Coran ou affirme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, dans surat Fussilat, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans surat Fussilat, le verset 23 et 24, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la cause de la perte des koufars. C'est le manquement dans ce domaine, dans Tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. Qu'ils n'ont pas cru au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était témoin de tout ce qu'il faisait. Et qu'on allait faire témoigner contre eux leur vue, leur oui, leur peau. Mais vous avez plutôt cru, puis on nous dit, mais vous avez plutôt la certitude ou plutôt cru qu'Allah ne savait pas beaucoup de choses que vous faisiez. Allah ne savait pas beaucoup de choses que vous faisiez. Donc cette croyance, cette mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala est l'action des koufars, pas des monothéistes. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَهَاُولَا الْكُفَّارِ ظَنُّ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Ils ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, un manquement dans l'unicité d'Allah, dans ses noms et ses attributs et la perfection qui lui revient de droit. Et quant à ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, il nous dit subhanahu wa ta'ala الظَّنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلِيمٌ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et pour ce genre de personnes qui ont une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, il nous dit dans son livre qu'il se met en colère contre eux. Il les maudit et leur a préparé un feu. Et quelle mauvaise destination. Donc le fait de renier un nom, un attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est un des pires péchés. C'est la pire chose que le serviteur faible puisse faire devant les textes. Comment est-ce que ce serviteur faible, au sujet duquel on nous dit qu'Allah nous a fait sortir du ventre de nos mères alors qu'on ne connaissait rien, comment est-ce qu'il pourra avoir le culot de renier ce qu'Allah s'est lui-même affirmé dans le Coran ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, alors que c'est Rabbul Alamin wa Allamul Ghuyub subhanahu wa ta'ala. Et plusieurs parmi ceux qui s'affilient à l'islam sont tombés dans ce grave péché, c'est-à-dire rejeter ou renier des noms ou des attributs d'Allah Azza wa Jal. À leur tête, ceux qui essayent de s'affilier à l'islam, il y a Al-Jahmiyyah, les suiveurs de Al-Jahmi ibn Safwan, qui lui-même avait pris de quelqu'un d'autre. Mais c'est sur sa langue que s'est propagé ce madhhab batil khabith. Al-Jahmiyyah ont renié l'ensemble des noms et des attributs d'Allah wal-iyadu billah. Et n'ont affirmé que Al-Wujud al-Mutlaq, son existence. Une existence qui a une place que dans l'esprit. Donc sans aucun doute, c'est de la mécréance majeure. Bi-ijma' al-Muslimin. Donc ces gens-là n'ont pas de part dans l'islam. Parmi ceux qui ont eu des manquements dans ce chapitre, il y a Al-Mu'tazila. Il y a Al-Mu'tazila. Ceux qui ont renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont affirmé que ces noms. Parmi ces sectes, il y a également Al-Asha'ira wa Al-Maturidiyya qui ont affirmé les noms et certains parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces groupes se sont égarés dans ce chemin. Et leurs salaf, wa bi'sa salaf hum, et leurs ancêtres dans cela, et quels mauvais ancêtres ont-ils? Ce sont kuffar Quraysh, les kuffar et Fir'aoun et des gens semblables. Lorsque Moussa alayhi salam est venu appeler Fir'aoun au tawhid, il lui a décrit Allah à travers ses noms et ses attributs. Comment s'est adressé Fir'aoun à Moussa? Il lui a dit « Wa ma rabbul alamin ?» Et qu'est-ce que le Seigneur des mondes? Qu'est-ce que le Seigneur des mondes? Wal'iyadu billah. Quant à celui qui affirme les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, « Fasalafuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Son ancêtre, son exemple dans cela, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant lui, Rasulullah, et avant lui, les messagers d'Allah. Après lui, les compagnons et les pieux prédécesseurs, comme l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, Shafi'i et bien d'autres. L'auteur a commencé son chapitre, ou ce chapitre, par la parole d'Allah, wa qawlullahi ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman. Cependant, il ne croit pas au tout miséricordieux. Tamam al-ayah, qul huwa rabbi la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, wa ilayhi matab. La suite du verset dit, c'est mon Seigneur, nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est lui. Sans lui que je place ma confiance, et vers lui que je reviens repentant. هذه الآية تصفنا حال المشركين كفار قريش. Ce verset nous parle des associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kufar Quraysh. Ici, l'auteur a voulu nous montrer que celui qui renie un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, yakfur. Celui qui renie un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sort de l'islam. Deuxièmement, que le fait de renier les noms et attributs d'Allah azza wa jal ne fait pas partie des actions des monothéistes, mais plutôt des actions des polythéistes, comme ici, kuffar Quraysh. Wahum yakfurun abirrahman. Et ils ont mécru au tout miséricordieux. On tire de, donc, l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, car on voit que celui qui renie un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de place dans l'islam. وَهَلْ جَحْدُ الْمُشْرِكِينَ لِلْرَحْمَانِ جَحْدٌ لِلْإِسْمِ أَوْ لِلْمُسَمَّى. Et ici, lorsqu'ils ont renié Ar-Rahman, comme cela nous est cité dans le verset, est-ce qu'ils ont renié que l'appellation d'Allah par Ar-Rahman, ou bien est-ce qu'ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a ce nom? Les savants divergent dans cela, dans cette question, et ce qui est apparent, c'est que l'auteur a comme avis qu'ils ont renié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas lui, car ils croyaient en lui, en son unicité dans Tawhid, Ar-Rububiyya. D'autres parmi les savants ont dit, ils ont bel et bien mécru en Allah subhanahu wa ta'ala également, comme nous le montre le contexte de ce verset. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قُلْ هُوَ رَبِّي. Il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réfuter kuffar Quraysh qui ont mécru à Ar-Rahman et de dire قُلْ هُوَ رَبِّي. Malgré cela, moi, je reconnais que c'est mon Seigneur. La ilaha illahu. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée, si ce n'est lui. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَيْ فَوَضْتُ جَمِيعَ أُمُورِ إِلَيْهِ. وَاَعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, c'est-à-dire que j'abandonne l'ensemble de mes affaires auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le seul sur lequel je compte. هَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ. التَّوَكُّلُ صِدْقُ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ مَعَ الثِّقَةِ بِهِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحَ وَدَفْعِ الْمَضَرِّ. التَّوَكُّلُ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلُ, c'est le fait que tu aies pleinement confiance en Allah quant à l'obtention d'un bien que tu recherches, ou pour être préservé d'un mal que tu crains. Pour cela, tu fais les causes en comptant pleinement sur Allah, en ayant pleinement confiance en Allah, et tu abandonnes toute ton affaire chez Allah, tabaraka wa ta'ala. Alayhi tawakkalt, et là ala ghayri. Sur lui seul, je compte. En lui seul, j'ai placé ma confiance. Wa ilayhi mata ay marji'i, et c'est vers lui que je reviens et que je me repens. Donc Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réfuter Kuffar Quraysh après qu'ils aient manifesté leur rejet de ce nom Ar-Rahman. Et Ar-Rahman est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui un des noms propres d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'on ne peut appeler autre qu'Allah par ce nom. Ce nom et son sens est propre à Allah Azza wa Jal. Nous n'avons pas le droit d'appeler autre qu'Allah par ce nom. Et il comprend l'attribut de la miséricorde. Il comprend l'attribut de la miséricorde. Donc même si les savants ont divergé sur ce qui a été renié par Kuffar Quraysh dans ce verset, est-ce que c'est le nom Ar-Rahman ou bien est-ce qu'ils ont renié aussi Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute qu'ils ont renié le nom d'Ar-Rahman, car cela a été aussi cité dans Sourate Al-Furqan par exemple, et c'est connu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. Dans Sourate Al-Furqan, et lorsqu'on leur dit prosternez-vous devant Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ils disent et qu'est-ce que Ar-Rahman, et qu'est-ce que Ar-Rahman. Donc ils ont mécru au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas dit waman Ar-Rahman, waman Ar-Rahman, ils ont dit waman Ar-Rahman. Donc ils ont mécru au nom d'Allah Ar-Rahman. أنكروا تسمية الله بهذا الاسم الرحمن والله المستعان. أيضا ثبت عند البخاري في قصة صلح الحديبية aussi le fait qu'ils ont renié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman est cité dans le hadith, l'histoire du pacte de Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté l'écrit. Il a commencé en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils ont reproché cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'image de Suhayl ibn Amr avant sa conversion à l'islam. Qala wallahi ma adri man Rahman walakin uktub bismika Allahumma. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté le courrier et a dit écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, très miséricordieux, il a dit par Allah je ne sais pas ce qu'est Rahman, écris plutôt au nom d'Allah. Donc ils ont renié ce nom là ils ont renié ce nom là ils ne reconnaissaient pas le nom d'Allah Ar-Rahman. Et pourquoi est-ce qu'ils ont renié ce nom? Est-ce que c'est parce qu'ils ne le connaissaient pas? Est-ce que c'est parce que c'est le nom que Musaylima Al-Kadhab s'était donné, donc il ne voulait pas mettre en pratique ce qu'il y a dans ce verset, donc se prosterner devant Musaylima Al-Kadhab? Et d'autres avis ont été cités. L'avis le plus juste, comme dit sur Salah Sindi, c'est qu'ils ont refusé d'accepter ce nom par orgueil pour se mettre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour rejeter la vérité évidente avec laquelle leur est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan ankaru isma Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, madha بمجرد عنادهم وتعنتهم. Remarquez ici qu'ils ont rejeté dans ce verset, on nous cite un seul nom. Na'am. Et voici la gravité, et voici le jugement. Que dire alors de ceux qui rejettent plusieurs noms et plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sans aucun doute, c'est encore plus grave. Sans aucun doute, c'est encore plus grave. Donc, ils ont renié l'appellation d'Allah Azza wa Jal par le nom Ar-Rahman. Que dira alors de ceux qui ont renié l'attribut, comme certains de Ahlul Bida'? Ils disent qu'Allah n'a pas l'attribut de la miséricorde. A'udhu Billah. Donc, le sens général de ce verset, أنكر الله سبحانه وتعالى على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم ويعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وأنه هو الذي يستحق العبادة وأمره أن يتوكل عليه وحده دون من سواه ويرجع إليه في جميع أموره. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé et blâmé Kuffar Quraysh du fait qu'ils ont renié un des noms d'Allah les plus connus, qui est Ar-Rahman. Il a ordonné à son messager de les réfuter, sallallahu alayhi wa sallam, et de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation de sa perfection, qu'il est le seul à mériter l'adoration et le seul vers lequel on doit revenir dans toutes nos affaires et compter, et le seul vers lequel également nous devons nous repentir. Idhan munasabatul ayati lilba أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله العظيم. كفر أكبر. L'auteur a cité ce verset sur ce chapitre pour nous montrer que le fait de renier un des noms d'Allah Azza wa Jal ou un attribut est de la mécréance majeure et fait partie des actions de Kuffar Quraysh. نستفيد من هذه الآية أن إنكار شيء من صفات الله كفر. نستفيد أيضا وجوب الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوب التوكل عليه وحده لا شريك له. On tire de ce verset que celui qui renie un nom d'Allah Azza wa Jal est tombé dans la mécréance majeure. On tire également l'obligation de croire en Allah en ses noms et ses attributs et de les affirmer. L'obligation de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et l'obligation de l'unifier dans le culte. Les serviteurs ont l'obligation de connaître Allah Azza wa Jal et de savoir qu'on doit lui affirmer ce qu'il sait affirmer. La définition de Tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi est ithbat ma athbat Allah li nafsi ou athbat lahu rasulu wa nafyu ma nafa Allah an nafsi ou nafa anhu rasulu min ghayri تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف. Donc lorsque tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, tu affirmes ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même dans le Coran ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, tout comme tu rejettes ce qu'Allah azza wa jal a rejeté ou a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu affirmes sans faire ressembler Allah à ses créatures. Et tu ne rejettes rien de ce qui a été affirmé. Et lorsque tu affirmes, tu ne fais pas ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Tu renies ce qui a été renié, mais tu ne renies pas ce qui a été affirmé dans les textes. Donc en résumé, quelle est ton obligation devant le nom ou l'attribut d'Allah que tu lis dans le Coran ou que tu lis dans la Sunna? Premièrement, tu y crois et tu l'affirmes. On connaît le sens, c'est le sens de la langue arabe. Troisièmement, tu dis avec pleine conviction qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Laysa kamithli shay wa huwa samiul basir. Ça c'est la règle, c'est ce verset. Il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, tu y crois, tu l'affirmes, on connaît le sens. Aussi, tu as la certitude, tu dis que, certes, on affirme ce nom, cet attribut à Allah, on connaît le sens. Et on sait aussi qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. On sait aussi qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Et le dernier point, on sait qu'Allah a un comment, mais on l'ignore. On sait qu'Allah a un comment, mais on l'ignore. Personne ne connaît le comment d'Allah Azza wa Jalla. Il nous a informé de ses noms, de ses attributs, mais il ne nous a pas informé du comment. Donc, je répète, je affirme le nom ou l'attribut avec son sens. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla ne ressemble pas à ses créatures. Et troisièmement, tu ne recherches pas le comment. Voici le résumé du résumé. Donc c'est une chose grave. Celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité tel nom, tel attribut dans le Coran, puis le rejette, ceci est dû de la mécréance majeure. Celui qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah avec tel ou tel attribut ou lui a affirmé tel nom et qui a su que c'était un texte authentique puisse rejette cela, pareillement il aura mécru et sera sorti de l'islam. Quant à celui qui n'a pas su que c'était un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas que tel nom fait partie du nom d'Allah ou que tel attribut a été cité dans tel hadith, celui-ci, on ne va pas dire qu'il est sorti de l'islam, car il n'a pas renié. Il n'a pas renié, il ne connaît pas. Donc il dit Allahu A'lam. Il dit Allahu A'lam. Je n'ai pas eu connaissance que ce nom, cet attribut a été affirmé dans les textes. Celui-ci n'est pas reprochable. Car on ne dit sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même ou a dit sur lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu ne sais pas, tu ne t'avances pas. Car ce chapitre est, comme on dit, tawqifi. Tu n'as pas le droit de dire sur Allah si ce n'est ce qu'il a dit sur lui-même ou a dit sur lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici pour le premier verset. Un point important, al-inkar, yani jahdu asma'illahi wa sifati, al-jahd huwa al-inkar, wal-inkar naw'an. Le fait de renier se divise en deux. Le fait de renier se divise en deux. Inkar ou takdhib, hadha kufrun akbar. Premièrement, celui qui renie en démentant ce qu'Allah a cité dans le Coran ou ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Hadha kufrun bila shak, comme a dit Ibn Uthaymin rahimahullah. Donc il a eu connaissance que ce nom a été affirmé dans le Coran ou la sunna, ou que tel attribut a été affirmé dans le Coran ou la sunna, puis il le renie. Donc il le dément. Il dément Allah Azza wa Jalla dans sa parole ou il dément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadha kufrun akbar. Par exemple, il dit dans le Coran qu'Allah a deux mains. Il dit Laysa lillahi yad. Il dit Allah n'a pas de mains. Il dit dans le Coran qu'Allah entend. Il dit Allah n'entend pas. Il dit dans le Coran que parmi nous d'Allah il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il dit Allah n'est pas Ar-Rahman, n'est pas Ar-Rahim. Il lit dans le Coran Ar-Rahman al-Arshistawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Et il dit non, le tout miséricordieux ne s'est pas élevé au-dessus du trône. Donc il a eu connaissance, puis il dément. Hada kufrun akbar. Hada kadhab Allah wa rasulah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a démenti Allah, subhanah, a démenti son messager sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute, c'est un kafir bi ijma'il muslimin. Deuxièmement, inkar ou ta'wil, le fait de renier en altérant le sens. Le fait de renier, mais sans démentir ce qui a été cité dans le Coran. C'est-à-dire, il ne dit pas Allah n'a pas de main. Il ne rejette pas le mot. du Coran ou de la Sunna. Il dit certes, mais son sens est différent. Il affirme le mot, mais il altère le sens premier. Mais il altère le sens premier. Donc, la yunkiruha, lakin yata'awwaluha. Donc, il ne le renie pas directement, mais il fait ce qu'on appelle al-tahrif. Il altère le sens. Al-ta'wil, al-madmoum. Il altère le sens. Il amène et cite un sens différent du sens premier, le premier sens qui nous vient à l'esprit en tant qu'arabophone. Et le fait d'altérer le sens des noms attribués d'Allah Azza wa Jal également se divise en deux. Ayakuna ta'wil musawwir fi al-lughah al-arabiyya. Hada la yujibu al-kufr. Donc premièrement, dans le cas où la personne altère le sens premier pour lui donner un sens second, mais ce sens second a une place dans la langue arabe, a une base dans la langue arabe, même si ça n'est pas le sens juste dans ce verset ou ce hadith, mais il y a une base dans la langue arabe. Cette personne-là, on ne pourra pas la rendre automatiquement, ou plutôt, elle ne sera pas dans tous les cas mécréante, pour ne pas avoir affirmé ce qu'il fallait. Par exemple, Allah dit dans le Coran, « Bal yadahu mabsoutatan yunfiqu kayfa yasha. » Mais il a plutôt deux mains larges et étendues. Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous affirme qu'il a deux mains. Dans un autre verset, dans la création de Adam, lorsqu'il réprimande Iblis pour avoir refusé de se prosterner, il lui dit, « Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. » Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'avais créé de mes deux mains? D'accord? Certaines personnes parmi les gens de l'innovation ont dit le sens des mains est un ni'ma ou bien le quwwa. Et en regardant dans la langue arabe, on trouve que parmi les sens qui peuvent être cités pour al-yad, la main, la force. D'accord? Ou bien le bienfait. Alors ces gens-là seront tombés dans l'innovation, mais on ne pourra pas les rendre mécréants de manière absolue. Pourquoi? Car il y a al-ta'wil, ce qu'on appelle yani, l'altération du sens en ayant une base dans la langue arabe. Même si le sens affirmé par ces gens de l'innovation est faux. Mais ça sera une chose qui empêchera al-takfir, fait de rendre la personne mécréante. Car pour rendre une personne mécréante, il y a des conditions qui doivent être réunies et il y a des empêchements qui doivent être enlevés. Deuxièmement, la yakuna lahu musawwirun fil lughati al arabiyya. Dans le deuxième cas, c'est une personne qui altère le sens. Il change le sens. Mais le mot qu'il a voulu amener ou le sens nouveau qu'il amène n'a pas de base dans la langue arabe. Donc il altère le sens comme bon lui semble. Il enlève le vrai sens et ramène un autre sens qui n'a aucune base dans la langue arabe. Cette personne en réalité a fait at-takdhib. Elle a démenti la parole d'Allah, elle a démenti la parole du prophète sallam, hada kufrun. Ceci est de la mécréance majeure. Donc, celui qui ne mécroit pas de manière absolue est celui qui a altéré le sens premier en amenant un sens second alors que ce sens second a une base dans la langue arabe. Comme le fait d'expliquer la main par la force. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité un athar de Ali ibn Abi Talib. وفي صحيح البخاري قال علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن المؤمنين حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله البخاري rapporte dans son recueil authentique, Ali a dit, parler aux gens selon leur compréhension, selon ce qu'ils connaissent ou peuvent reconnaître. Voulez-vous que l'on démente Allah et son messager ? أخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر لكن بلغ أتحبون لا بلغ أتريدون من يحدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Donc dans le recueil de l'imam Bukhari, en effet, il a rapporté ce texte, mais au lieu de أتريدون c'est أتحبون. وفي خارج الصحيح حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. Dans autre que le recueil de l'imam Bukhari, on trouve cette parole en ces termes. Parlez aux gens selon ce qu'ils comprennent et délaissez ce qu'ils ne et ce qu'ils rejettent. أتريدون هذا استفهام للإنكار. Lorsqu'il leur dit voulez-vous que, c'est pour les blâmer, c'est pour les réprimander. Il a cité cela à son époque lorsqu'il y a eu beaucoup de conteurs, ce qui ne se base pas sur les textes pour exhorter les gens. Quelle est l'explication de ce athar? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu oriente les gens et ceux qui font da'wah et ceux qui s'adressent au commun des musulmans à avoir de la sagesse dans la transmission des textes. Et qu'il convient à la personne de transmettre aux gens ce dont ils ont besoin et de délaisser ceux dont ils n'ont pas besoin. De leur enseigner le tawhid, les bases de la religion, de leur enseigner l'ahkam, al-fiqh, le halal, le haram, et de ne pas parler sans sagesse dans la transmission de certains textes. Car soit ils n'auront pas d'utilité à avoir cette connaissance, ou soit ça va les troubler et les pousser à rejeter certains textes authentiques du fait qu'ils ne l'auront pas compris. Donc le sens du Asa est qu'il faut parler aux gens selon leur niveau. Et adapter son discours selon l'interlocuteur. Et citer ce dont a besoin cet interlocuteur. Car, dans le cas contraire, tu vas citer des versets, des hadiths. Et du fait qu'il ne l'aura pas compris, il va dire non, ceci n'est pas la parole d'Allah, ceci n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il dément qui ? Il dément celui qui parle. Lui n'a pas comme croyance que c'est la parole d'Allah et la parole du messager, car il ne l'a pas comprise. C'était trop subtil pour lui. Ou cela ne lui a pas été présenté avec des introductions. Alors il va rejeter. Et en rejetant ta parole, en réalité, il rejettera la parole d'Allah et la parole de son messager. C'est pour cela que Ali ibn Abi Talib a dit « Aturidoun » ou « Atuhibboun an yukadzab Allah wa Rasuluh » Voulez-vous qu'on... Vous aimeriez-vous que l'on démente Allah et son messager? Car si vous leur citez des choses qu'ils ne comprennent pas, ils vont les rejeter. Et en rejetant cela, c'est comme s'ils auront démenti Allah et son messager. Voici le sens de la parole de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et le sens ici de حدث الناس بما يعرفون, parler aux gens selon ce qu'ils connaissent, ça ne veut pas dire ce qu'ils ont déjà étudié dans le passé. Ça ne veut pas dire ce qu'ils ont étudié dans le passé, mais ma yumkin an yablugha uqulahum. Mais ça veut dire ce qu'ils peuvent comprendre, ce qu'ils sont aptes à comprendre. Donc il faut parler aux gens selon ce qu'ils comprennent et leur parler avec sagesse. Car dans le cas contraire, ça peut emmener une fitna et les pousser à rejeter ce qu'ils n'ont pas compris. Et souvent, et ça arrive souvent que la personne renie ou combatte ce qu'elle ignore. Munasabatul athari lil bab ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر ليبين أن من أسباب جحد صفات الله وأسمائه أن يحدث الناس بما لا تتحمل عقولهم، donc l'auteur a cité ce Athar de Ali ibn Abi Talib sous ce chapitre pour nous enseigner une des causes de l'intitulé du chapitre. Une des causes qui pousse les gens à renier les noms et attributs d'Allah, c'est le fait qu'on leur cite les choses d'une manière qu'ils ne comprennent pas ou qui est au-dessus de leur niveau de compréhension ou sans sagesse. Donc une des causes qui pousse les gens à dire non et à rejeter certains noms ou certains attributs est le fait qu'on leur parle d'une manière qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Par la suite de cela, ils rejettent un nom ou un attribut. La savine min hadha al-athar annahu idha khushiya ad-darar min tahdith an-nas bi ba'di ma la yafhamun falan baghi tahdithuhum bi dhalik wa in kana haqqan. On tire de ce athar, comme dit Cheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, que lorsque l'on craint de troubler certaines personnes en leur transmettant certaines sciences, on ne la transmet pas, même si c'est une vérité. Et cela, comme ça a été expliqué ailleurs, c'est dans le cas où ils n'en ont pas besoin. C'est dans le cas où ils n'en ont pas besoin. Donc tu sais que dans une assemblée, il y a des gens de la masse. Il y a aussi des étudiants. Tu as une information à transmettre. Mais en transmettant cette information, tu sais que tu vas troubler une partie de l'assise. Et cette information ne leur est pas indispensable. Alors tu vas délaisser cette information pour la transmettre à un autre moment. Ou tu vas faire une introduction pour leur permettre d'assimiler ce que tu veux leur donner. نستفيد أيضا أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله وتنزيل الناس منازلهم. On tire également de ce athar, comme a dit Ibn Asim رحمه الله تعالى, l'importance de la sagesse dans la prédication, l'importance d'être doté ou bien de faire preuve de sagesse lorsque tu appelles les gens à la vérité, à l'islam, à la sunna, et de parler à chacun selon son niveau. De parler à chacun selon son niveau, s'il est adulte ou s'il est enfant, s'il est arabophone ou non, s'il est débutant ou ancien, et ainsi de suite. هذا الأثر اتخذه بعض أهل البدع ذريعة ماذا للترك التحديث بنصوص الصفات. Certaines personnes parmi les gens de l'innovation essaient d'utiliser ce texte pour dire qu'il ne faut pas parler des hadiths où il y a les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et cela, sans aucun doute, est une tromperie et une ruse de leur part pour essayer d'égarer la masse des musulmans qui n'ont pas étudié. Ils ont utilisé cette parole de Ali ibn Abi Talib pour essayer de faire comprendre, pour tenter de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas parler des attributs d'Allah. Subhanallah. On ne va pas enseigner aux gens qui est Allah à travers sinon à travers ses attributs. Cette parole est une parole très grave. Donc, soit ils n'ont pas compris ce texte, soit volontairement, ils essayent de tromper, comme à leur habitude, la masse mala des musulmans. Si on se rabaisse à leur niveau pour alimenter quelque peu le débat, nous leur disons, d'accord, nous faisons cela pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne cite pas les hadiths où il y a les attributs. Mais que faire alors du Coran? Que faire alors du Coran qui est rempli de la description d'Allah Azza wa Jal à travers ses attributs? Que faire alors du Coran que l'on récite chaque jour dans les prières obligatoires? Que faire alors de la récitation du Coran que nous faisons écouter aux gens dans les prières, dans Salat al-Tarawih? Est-ce qu'on va sauter les attributs d'Allah Azza wa Jal? Ala kalam batil. Ça, c'est une parole fausse. c'est une parole fausse, le fait de dire qu'il ne faut pas enseigner aux gens cette vérité. وفساد اللازم يدل على بطلان هذا القول. Le fait de parler d'Allah à la tariqati أهل العلم النبوية الأثرية بنصوص الوحيين من الكتاب والسنة أقوى ما يقوي الإيمان ويثبت الناس على الحق ويقوي حب الله والخوف منه ومراقبته والرجاء لما عنده. Le fait de parler d'Allah en conformité avec ce qui nous est venu en Coran, la Sunna, à la manière des messagers des prophètes alayhimu salat wa salam, à la manière des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire en se basant sur le Coran et la Sunna, non pas à la manière des soufis ou ahl al-bid'a min at-tabliriyin wa ghayrihim, en citant des contes et des fables ou en parlant d'Allah azza wa jalla sans science, là, mais avec le Coran, avec la Sunna, le meilleur appel, sans aucun doute, cela est la plus grande cause pour faire augmenter la foi des gens. Et la plus grande cause pour raffermir le musulman sur cette vérité. Et la plus grande cause pour développer les plus grands piliers de l'adoration, l'amour, la crainte et l'espoir. Car plus les gens connaissent Allah, plus ils l'aiment, plus ils le craignent, plus ils le redoutent, plus ils craignent son châtiment, plus ils espèrent ce qui se trouve auprès de lui, plus ils se détachent de ce bas monde, plus ils travaillent pour l'au-delà. Tout cela se développe avec quoi? Avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Comment est-ce qu'on pourrait délaisser la transmission de la plus noble des sciences, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala? Mais on doit mettre en pratique ce athar qui nous dit de prendre en considération l'état de la personne, de lui parler avec sagesse afin qu'il comprenne et accepte ce qu'on veut lui faire comprendre et ce qu'on veut lui transmettre. Et ça n'est pas valable que pour les noms attributs d'Allah, c'est valable pour toutes les sciences. C'est valable pour toutes les sciences. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: Ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughu uqulahum illa kana li ba'dhin fitna. Tu ne parleras pas à un groupe de personnes en leur citant des choses qui n'atteignent pas leur raison. Ils n'étaient pas capables, tous, ils n'étaient pas tous capables de le comprendre sans que ça ne soit une cause de trouble pour une partie d'entre eux. Donc dans une assise, tu dois adapter ton discours afin qu'il soit profitable pour l'ensemble. Tu dois adapter ton discours afin qu'il soit profitable pour l'ensemble, sinon tu vas troubler une partie. Tu peux faire entrer des ambiguïtés alors que tu as voulu transmettre le bien. Ayuhaddath الكل بما يناسبه وبالأسلوب المناسب. هذا مراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Et est-ce que l'on doit citer les détails de la religion awam aux gens de la masse et les subtilités et les sciences précises, subtiles, qui peuvent être compliquées pour certains? Fi tafsil, ça dépend. Cette science minutieuse se divise également en deux. Il y a ceux dont ils ont besoin dans la religion pour adorer Allah Azza wa Jal, et il y a ceux qui n'est pas nécessaire pour eux, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour eux. Donc ceux dont ils ont besoin, on va leur dire, même si c'est ça demande de la concentration, de l'explication, des introductions, mais tout en leur parlant selon leur niveau, afin de leur faire comprendre. Donc, ma kana min daqa'iq al-umur ala qismayn. Ma yuhimmuhum wa ma la yuhimmuhum. Donc, ce qui les concerne, on leur explique avec sagesse. Et ce qui ne les concerne pas, on le délaisse. On ne leur transmet pas. Nakhtim. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. Nous allons finir le chapitre numéro 39 concernant celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah. قد قرأنا قوله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن. Nous avions lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Donc de ce verset, nous avions vu que celui qui renie un des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aura commis un acte de mécréance, et que ce qui incombe à l'ensemble des croyants est d'affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala blâme les associateurs, ceux qui ont renié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, dans ce verset et dans d'autres versets. Nous avions cité le hadith dans lequel les associateurs ont refusé d'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont refusé et ont rejeté et renié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Puis, nous avons cité le athar de Ali ibn Abi Talib, qui est dans le recueil de l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, qala Ali, hadithu an-nasa bima ya'rifu, aturiduna an yukadhab Allah wa rasuluh. Parlez aux gens selon leur compréhension, voulez-vous que l'on démente Allah et son messager? Donc ici, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, nous conseille et nous oriente afin qu'on parle avec les gens de la masse, avec sagesse, en utilisant les mots qui sont adéquats. Des sujets qui sont utiles pour le, ou bien au commun des musulmans, comme les bases de la religion, comme la jurisprudence, les ordres, les interdits, le halal, le haram, et de ne pas les occuper avec ce qui n'est pas utile pour eux, ou de leur citer des choses d'une manière sans sagesse qui les pousserait à rejeter des versets ou des hadiths. Donc à travers ce athar, l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est comme s'il a voulu nous enseigner une cause qui pousserait les gens à ne pas accepter un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas comprendre à travers le athar d'Ali ibn Abi Talib qu'il ne faut pas citer aux gens les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela serait-il possible alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité cela dans le Coran et qu'on le récite de jour comme de nuit? Comment cela serait-il possible alors qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de méditer tout le Coran sans exception? Comment cela serait-il possible alors que la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est la science la plus noble et la science la plus noble, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres? Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité un athar d'Ibn Abbas, wa rawa Abd al-Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an Abih an Ibn Abbas annahu ra'a rajulan انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite ici un athar d'Ibn Abbas. Il nous dit que Abdul Razzaq rapporte, huwa Abdul Razzaq ibn Hammam al-San'ani, l'imam al-Hafid. Il est décédé en l'an 211. عن معمر هو معمر ابن راشد الأزدي البصري il est décédé en l'an 154. عن ابن طاووس هو عبد الله اليمني il est décédé en l'an 132. عن أبيه c'est-à-dire طاووس. Il nous dit qu'Ibn Abbas رضي الله عنه a vu un homme sursauter quand il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnait les attributs divins. Description d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses attributs. Intafaba ihtazza jismu. Lamma samia hadithan ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sifat istinkaran li dhalik. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثر ابن عباس رضي الله عنه بعد أثر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ليبين أن ذكر الصفات معروف عند السلف وأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست من المتشابه من القرآن. L'auteur a cité ce athar d'Ibn Abbas après avoir cité le athar de Ali ibn Abi Talib pour nous faire comprendre que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne font pas partie des choses que nous ne devons pas citer au commun des musulmans et que ça ne fait pas partie des choses ambigu. Et on voit ici, comme on va le lire, le athar d'Ibn Abbas, que c'est une chose que citaient les pieux prédécesseurs, tout comme cela a été fait dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Donc Ibn Abbas nous dit ma faraqu ay al-khawf, al-faraq هو الخوف وهذا الاستفهام إنكاري أي ما سبب انزعاج هؤلاء عند سماع حديث الصفات. Comment se fait-il que ces gens-là ont peur, se sentent mal, sont dérangés lorsqu'ils entendent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam traitant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre lecture du hadith, ma farraqa haula. Qu'est-ce qui a divisé ces gens-là? Qu'est-ce qui a fait s'égarer ces gens-là en divisant, en séparant des choses de la vérité entre le vrai et le faux? Oui, Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit yajiduna riqatan inda muhkamih wa yahlakuna inda mutashabih. De quoi ces gens-là ont-ils peur? Ils trouvent de la douceur dans ce qui est clair, mais ils périssent quand ils entendent ce qui est ambigu. Yajiduna riqatan aylinan wa qaboulan inda muhkamih. Donc lorsqu'ils entendent des textes dont du Coran ou de la Sunna, dont ici plutôt de la Sunna, dont le sens est apparent pour tout le monde, ils l'acceptent. Et ils périssent lorsqu'ils entendent des textes qui peuvent ne pas être compris de l'ensemble des musulmans. Cependant, une partie de la communauté, ceux qui ont la science, comprennent ces textes. Al-mutashabih ay mashtabha alayhim wa khafi ala ba'dihim. Falwajib ala kulli muslim wa ala kulli mu'min an yu'mina bi an-nusus kulliha ma fahimahu آمن به وبالعلم الذي عقله وما لم يفهمه ولم يدركه معناه آمن به بالإيمان المجمل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Donc nous devons croire à l'ensemble des textes. À l'ensemble des textes. Ce qui est clair et dont nous avons compris le sens, on y croit de manière détaillée. Et ce dont nous ignorons le sens, on y croit de manière générale. Et on abandonne cette science à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on questionne ceux qui savent. Puis l'on questionne ceux qui savent. إذن مناسبة الأثر للباب بعد أن ذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون ذكر هذا الأثر أي لابن عباس رضي الله عنه الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به وفي هذا رد على المعطلة. Donc l'auteur a cité le hasard d'Ibn Abbas après avoir cité le hasard de Ali ibn Abi Talib pour nous enseigner que le fait de citer les attributs d'Allah Azza wa Jal ne fait pas partie des choses qu'on ne doit pas faire. نستفيد من هذا الأثر تعليم الناس صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. On tire de cela qu'il est permis d'enseigner aux gens, et que c'est une bonne chose d'enseigner aux gens les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi radd wa at-tashdid 'ala man istankara at-tahdith bi sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man radda shay'an min nusus as-sifat ba'da ma'rifatiha استنكارا لها فهو من الهالكين. On tire également de cela que celui qui rejette les textes contenant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir connu leur authenticité fait partie de ceux qui ont péri. فالمعطلة أهل البدع من الهالكين. Donc ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens de l'innovation font partie de ceux qui ont péri. Et aucun parmi les savants d'Ahl Sunnah n'a dit que les textes traitant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des textes ambigu. C'est-à-dire ambigu de sorte à ce que personne ne puisse avoir accès au sens. Et pour mieux comprendre cette parole, il te faut savoir que le tashabuh et l'ihkam dans le Coran se divisent en deux. Le tashabuh العام والإحكام العام والتشابه الخاص والإحكام الخاص. فالتشابه العام أي لجميع القرآن والإحكام العام أي لجميع القرآن. Donc الإحكام التشابه ces mots-là sont utilisés dans le Coran. Tantôt on entend par cela l'ensemble du Coran, tantôt on entend par cela une partie des versets du Coran. Premièrement, l'ihkam al-am. Bima'na l'itqan. La'iba fi. Donc l'ensemble du Coran est muhkam. C'est-à-dire qu'il est parfait. Dans ce sens-là, ça sera parfait. Il n'y a aucun défaut, aucun manquement dans le Coran. فالقرآن كله محكم قال الله كتاب أحكمت آياته. Donc l'ensemble du Coran est parfait et ne comprend aucun défaut. Ensuite il y a التشابه العام أي التجانس يصدق بعض البعض وتتكرر القصص بدون تناقض. On dit aussi du Coran qu'il est mutashabih, c'est-à-dire qu'il se ressemble. Les versets se ressemblent les uns les autres. Les versets sont parfaitement en accord, il n'y a aucune contradiction. Les récits se répètent et sont racontés de manière différente, sans jamais se contredire. On cite les gens du paradis, puis les gens de l'enfer. On cite les caractéristiques des gens du paradis, puis les caractéristiques de l'enfer. On cite le chemin du bien, puis le chemin du mal. Le Coran se répète, se ressemble. قال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. Ça, c'est de manière générale. Al-ihkam wa al-tashab. Puis il y a l'ihkam al-khas wa al-tashabuh al-khas. Wa hadha amrun nisbi. Puis, on dit de certains versets que ça concerne ou bien que c'est muhkam. Et on dit d'autres qu'ils sont mutashabih. Ces deux mots-là, ici, auront un autre sens. Pour le premier sens, c'est pour l'ihkam, c'est la perfection. Et pour al-tashabuh, c'est-à-dire que les passages se répètent, se ressemblent. Naam. Et ce, yani, tel verset appuie tel verset, certifie tel autre, sans jamais se contredire. Puis al-ihkam al-khas wa al-tashabuh al-khas. Cela revient au verset de Sourate Ali Imran, au début de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parmi les versets du Coran, il y a des versets qui sont clairs et évidents pour tout le monde, wa ukharu mutashabihat, et d'autres versets dont les sens ne sont pas clairs pour l'ensemble des gens. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Le sens de l'ihkam et du tashabuh dans ce verset ne sera pas le même sens cité auparavant. Donc ici, al-muhkam sera al-bayyin al-wadih, les versets qui sont clairs, compris de tous. D'accord, les versets qui sont clairs et compris de tous. Et cela est la plupart du Coran. Et cela concerne la plupart du Coran. Celui qui est arabophone et qui écoute le Coran comprendra la plupart des versets. Là, il a été révélé dans une langue arabe claire. Il est en arabe mubin. Ensuite, at-tashabuh dans ce verset, at-tashabuh al-khas, c'est ghayru al-wadih al-bayyin li kulli ahad. Ce sont les versets qui ne sont pas clairs pour l'ensemble des gens. Il y a besoin d'une explication, il y a besoin de revenir aux gens de science, il y a besoin de revenir aux exégèses du Coran. Et ça concerne qu'une partie des versets du Coran. Et une chose très importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas dans le Coran de phrases ou de mots ignoré de l'ensemble de la communauté. Ignoré de l'ensemble de la communauté. Donc ce tashabuh, khas, il est nisbi, il est relatif aux gens. C'est-à-dire, telle personne ne va pas comprendre ce verset, mais telle autre va le comprendre. Il y a toujours et forcément une partie de la communauté qui comprendra une partie du Coran, des versets qui sont mutashabih, qui sont ambigu pour une partie de la communauté. فليس في القرآن تشابه مطلق من جهة المعنى. Dans le sens, on ne peut trouver un verset ou un mot du Coran qui est ignoré par toute la communauté. Cela n'existe pas. Il n'y a pas un mot dans tout le Coran, ni un verset dans tout le Coran ignoré de l'ensemble de la communauté. Et dont le sens est ignoré par l'ensemble de la communauté. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de méditer le Coran et n'a pas dit sauf tel mot ou sauf tel verset. Il nous a ordonné de méditer l'ensemble du Coran. C'est que tout le Coran est accessible. Le sens de tout le Coran est accessible et Allah Azza wa Jal nous a encouragé, nous a ordonné de méditer son livre. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما من جهة الكيفية, par contre, le comment des choses citées peuvent être ignorées. ككل صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها. Comme quoi, par exemple, des choses dont on va comprendre le sens, mais ignorer le comment. Par exemple, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. On en connaît le sens et le sens de la langue arabe. Mais le comment d'Allah azza wa jal, personne ne le connaît. Le comment d'Allah azza wa jal, personne ne le connaît, car Allah nous a informé de ses noms. On connaît le sens et le sens de la langue arabe. Il nous a informé de certains de ses noms, de certains de ses attributs. On connaît le sens et celui de la langue arabe. Mais le comment, il ne nous a pas informé de ce. Le comment est ignoré de l'ensemble de ces créatures. وطريقة أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالقرآن كله. Et la voie des gens de la foi, du iman, du tawhid, c'est qu'ils ont foi à l'ensemble du Coran. Et si on ignore une chose, on y croit de manière générale et on questionne. Quel est le chemin à suivre? قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Les gens qui sont vraiment versés dans la science disent tout cela, ou bien disent nous avons eu foi en cela. Et l'ensemble vient de notre Seigneur. Et l'ensemble vient de notre Seigneur. C'est ainsi qu'il convient de se comporter. On ne doit jamais rejeter un nom d'Allah ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est la perte. Comme a cité Ibn Abbas radiallahu anhu. ووقع بعض أهل البدع في شر المذاهب التفويض. Et certaines personnes parmi les gens de l'innovation sont tombées dans ce qu'on appelle التفويض. التفويض, c'est le fait de dire que personne ne connaît le sens. Et on laisse le sens à Allah. C'est-à-dire, on lit le Coran, mais si on te demande sur le sens, tu dis on ne connaît pas le sens. Seul Allah connaît le sens. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, mais il ne comprenait pas le sens. Ça veut dire que les sahaba lisaient le Coran, mais ne connaissaient pas le sens. A'udhu billah. Hadha dalal mubin. Ça, c'est un égarement évident. Et le sens est connu. Le sens est le sens de la langue arabe. Le sens est le sens de la langue arabe. Pourquoi est-ce qu'ils se sont comportés ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé le sens des versets ou des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour deux choses? I'taqadu anna zahira nusus istifat ghayru murat. Premièrement, ils ont dit que le sens apparent n'est pas voulu. Par exemple, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Ils ont dit oui, en apparence c'est ça, mais le sens n'est pas voulu. Ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu bi yadi. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains, c'est-à-dire Adam? Ils ont dit oui, en apparence c'est des mains, le sens, mais le sens est inconnu. Donc ils nous ont dit, on lit le Coran, mais le sens apparent n'est pas voulu. Le sens apparent n'est pas voulu. وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ هَذَا كَلَامٌ بَعِيدٌ جِدًّا عَنِ الصَّوَابِ. بل إن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن لأن معاني القرآن مفهومة معلومة. الله عز وجل nous a ordonné de méditer le Coran car ses sens sont connus. Puis ils ont fait revenir le sens des versets uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons que nous connaissons le sens du Coran, le sens des noms attribués d'Allah عز وجل, c'est le sens de langue arabe. Par contre, le comment, on l'ignore. Par contre, le comment, on l'ignore. Non. Puis l'auteur finit en disant: وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Quand les membres de la tribu de Quraysh ont entendu le prophète صلى الله عليه وسلم, ont entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم citer le tout miséricordieux, c'est-à-dire le nom d'Allah Ar-Rahman, ils ont désapprouvé cela. C'est pourquoi Allah a révélé à leur sujet, cependant qu'ils ne croient pas, ou tout miséricordieux. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a fini ce chapitre en citant la cause de la révélation du verset qui est l'intitulé du chapitre. Illa anna riwayati ma dhakara huna al-mu'allif rahimahullah ta'ala mursala. Donc l'auteur a cité cette cause de révélation, mais des savants ont dit que l'ensemble des chaînes de transmission étaient faibles. L'ensemble des chaînes de transmission étaient faibles. C'est-à-dire que pour affirmer que ce verset a été révélé suite à l'histoire de l'Hudaybiyah, lorsque Kuffar Quraysh ont refusé d'inscrire le nom d'Allah Ar-Rahman sur le pacte, cela, pour affirmer cela, il faut une preuve authentique. Pour affirmer cela, il faut une preuve authentique. Et sans aucun doute, ce verset concerne les associateurs. Mais pour dire que ce verset concerne cette histoire et a été révélé pour cette histoire ou suite à cette histoire, il faut une preuve authentique. Et certains savants ont dit que parmi ceux qui nous montrent aussi la faiblesse, c'est que ce verset est dans Sourate Ar-Ra'd, dans la Sourate le Tonnerre. Et les savants disent que Sourate Ar-Ra'd Makkiyya, la Sourate Ar-Ra'd le Tonnerre, est une Sourate qui a été révélée, na'am, qui est mécoise. Comment est-ce qu'on reconnaît une Sourate mécoise ou une Sourate médinoise? Qui sait? كيف نفرق بين الآيات المكية والمدنية؟ نعم. ارفع صوتك. طيب هذا شيء. لكن الضابط هذا بالنسبة إلى الموضوع. لكن شيء آخر. نعم. أحسنت. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير في كتابه أصول التفسير أصول في التفسير السور أو الآية المكية هي التي نزلت قبل الهجرة والمدنية بعد الهجرة. فعلى هذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أي بعد الهجرة مدنية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في عرفة أو مكة. Donc les versets mécois, les sourates mécoises sont celles qui ont été révélées avant l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les médinoises, celles qui ont été révélées après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui compte n'est pas où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de recevoir la révélation. C'est le moment, avant ou après la hijra. Donc après l'ouverture de la Mecque, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, ou bien à Arafah ou Hajjatul Wada', ces versets, malgré qu'il était dans cet endroit, sont médinois. Pourquoi? Parce que cela a été révélé après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette sourate est mécoise. Et Sulh al-Hudaybiyah est venu donc bien après. A eu lieu bien après Al-Madinah. Une question qui est souvent posée, et Cheikh Saleh Al-Sindi Hafidhahullah Ta'ala y a répondu de la plus belle façon. Certains disent que nous disons qu'il n'y a pas dans le Coran de verset ou de mots dont le sens est ignoré par l'ensemble de la communauté. Il y a donc un problème qui doit être éclairci. Lequel? Al-huruf ou al-muqatta'ah? Comment commence Sourate al-Baqarah? Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Comment commence Sourate Ali Imran? Hein? Tayyib, comment commence Sourate Fussilat? Comment commence Sourate Maryam? Comment commence Sourate Sad? Et ainsi de suite. Avec des huruf muqatta'a. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim. Sad, Kaf, Yaha, et ainsi de suite. Donc, comment répondre à cette problématique? Vous avez compris le problème ou pas? Al-Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, a répondu en disant: Al-Huruf al-Muqatta'a laysat kalaman hatta yutlab ma'naha. Il a dit: ce sont des lettres alphabétique. Ça n'entre pas dans Al-Kalam. Afin qu'on ait à chercher le sens. Est-ce que tu dis par exemple Alm, ou bien tu dis Alif, Lam, Mim? Ça n'est pas un mot. Ce sont des lettres. Et les lettres chez les Arabes, on n'appelle pas cela Kalam. On n'appelle pas cela kalam. عند النحاة مثلا كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Et une lettre alphabétique, alifun, ou bien sad, ou bien taun, cela n'est pas du kalam. Donc nous n'avons pas à chercher le sens, donc il n'y a plus de problématique. واضح? Il n'y a plus de problématique. Voilà pour ce chapitre. Ce qu'il nous faudra retenir, c'est qu'entre dans le tawhid, ithbatu asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifati. Entre dans le tawhid, qu'il nous faut concrétiser, le fait d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nom et comme attribut. Et lorsque, et aussi, la gravité de renier un nom, un attribut, c'est du kufr. C'est du kufr. Et la règle dans cela est laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah nous dit dans le Coran, dans sourate Ash-Shura, il n'y a rien qui lui soit semblable, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal renie toute similitude avec ses créatures. Puis il affirme deux noms et ses attributs. As-Sami' et Al-Basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout. On comprend de cela que nous devons affirmer les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et en même temps, on doit renier toute ressemblance d'Allah avec ses créatures. On connaît le sens, on affirme le mot, mais on dit Allahu A'lam pour le comment. Quel est le sens? C'est le sens apparent de la langue arabe. On s'éloigne de l'anthropomorphisme. Et on ne renie rien de ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé. Inch'Allah Ta'ala, si Allah facilite, on prendra un cours pour détailler quelques règles concernant les noms et attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, en résumant une partie de Al-Qawa'id Al-Muthla d'Ibn Uthaymin, Rahimahullah Ta'ala, qui est un excellent livre.